Chapitre 34e. Mes chers amis, vous me croyez à Moscou, occupé à fabriquer des violons ou même des altos, et de plus, à mes moments de loisir, à perfectionner l'éducation de Petit Gris. Erreur. J'habite les bords du Don. J'ai retrouvé mes pâturages, mes buffles, mais non pas mon intendant, car le brave homme est mort. Et me voici enfin propriétaire du bien dont mon pauvre oncle, que Dieu ait pitié de son âme, me croit en possession depuis le jour de sa mort. Je me suis dit plus d'une fois que les anciens, qui avaient inventé le laiter, n'étaient pas si bêtes. Si dans l'autre monde on se souvient de ce qu'on a désiré de son vivant, et si l'on peut voir la façon dont les autres se comportent avec vos dernières volontés, on doit se faire plus d'une pinte de mauvais sang. Et alors, qu'est-ce que nous faisons des délices éternelles du paradis? Mais ce n'est pas pour vider cette question que j'ai pris la plume, c'est pour vous faire part de mes embarras. Oui, mes amis, je suis l'homme le plus embarrassé du globe. Et la cause de mon embarras à 16 ans, des cheveux blonds toujours emmêlés, des yeux bleus toujours pleins de larmes, des mains rouges, des pieds nus, qui marchent dans la poussière et qui ont l'air de se moquer amèrement de mes bottes. Figurez-vous que mon vieux coquin d'intendant avait une fille. Je crois vous avoir entretenu jadis de ce personnage original, qui s'était bâti toute une cathédrale dans mon fromage, et qui me nourrissait parcimonieusement des déchets de son travail, et je crois même vous avoir dit qu'il avait un enfant quelconque. Cette fille est la demoiselle ci-dessus décrite, que j'ai trouvée en arrivant, montée au plus haut diapason et prête à me poignarder. Le vieux scélérat avait laissé cette innocente dans l'idée que mon bien lui appartenait. Avait-il développé cette idée? Je ne le suppose pas. Elle était née dans le cerveau fantasque de mademoiselle Mouza, et il n'a rien fait pour l'en extirper. Peut-être n'en a-t-il jamais eu connaissance. Le digne homme meurt subitement l'autre jour. De trop boire, m'a-t-on dit, et la justice, lente en tout pays, particulièrement sur les bords fortunés du Don, vient mettre les scellés sur ce qui m'appartient. « Des scellés ? » s'écrie Mouza. « Qu'est-ce que c'est que cela ? Je n'en veux pas. » On les met pourtant, et comme chacun pouvait s'y attendre, on en confie la garde à la fille de mon intendant. C'était indiqué. Ce qui était également indiqué, c'est que ma jeune sauvage, qui de sa vie n'avait entendu parler du ruban de fil ni de cire à cacheter, n'a rien de plus pressé que d'enlever tous ces petits cordons qui l'empêchaient d'agir à sa guise dans sa maison. Notez bien, mes amis, que cette maison était indubitablement la sienne, personne du vivant de son père ne lui ayant jamais suggéré le contraire. Là-dessus j'arrive, et je trouve sur le seuil la jeune personne qui m'accueille avec un « Que venez-vous faire ici, des moins avenants ?»« Je viens, lui dis-je, prendre possession de mon domaine. » Elle me rit au nez et me dit « Vous n'entrerez pas. » Je veux l'écarter, elle tire un fort joli couteau, et le manie si adroitement qu'elle se taille le mieux du monde une ouverture dans la paume de la main. Le couteau tombe, elle se met à pleurer. Je veux m'approcher d'elle, et je reçois un beau coup de poing sur le nez, dont je me ressens encore quand je ferme les yeux. Cependant, nous étions entrés, ce qui était déjà quelque chose, et la servante de ma belle ennemie, plus au fait de la situation, avait traîné ma petite valise dans la maison. J'étais au cœur de la place. Il s'agissait d'y rester. Mouza s'assied dans un coin, me regardant d'un air sombre pendant que je furetais un peu partout. Le bris des scellés m'amusa beaucoup. Grâce à ma rhétorique, je prouvai au fonctionnaire que si la petite avait agi sans discernement, il n'en avait pas témoigné beaucoup plus en commettant leur garde à une personne aussi peu capable de les conserver qu'un jeune singe en liberté. Comme je ne réclamais pas, l'affaire s'est arrangée toute seule. Mais je ne faisais que commencer mon apprentissage. Quand je demandai à mademoiselle Mouza ce qu'elle comptait faire, elle me regarda d'un air effaré. « Restez ici, » répondit-elle. « Toujours ?» Toujours? Est-ce que vous n'allez pas bientôt vous en aller? J'avais d'autant moins l'intention de m'en aller que mon domaine est fort joli et en très bon état. Je soupçonne le père de mademoiselle Mouza d'avoir placé sur la tête de la fille une 30 000 roubles tout en ne se refusant rien. Le vieux avait un notaire, un conseil, un homme d'affaires, enfin, à qui il a bien graissé la patte de son vivant et qui n'a garde d'en dire plus qu'il ne faut. Je l'ai fait chercher pour sortir de ce pétrin. Il m'a dit que Mouza a de quoi vivre du bien de sa mère. Sa mère était une paysanne. et qu'elle peut aller où il lui plaira. Point de parents, pas d'amis, aucune relation. « Voulez-vous l'emmener ? » dis-je au Shikanu. « Je ne demande pas mieux, » répondit-il en clignant de l'œil intérieurement. « Ma femme s'en chargera et je gérerai sa fortune. » Mais quand il fut question de partir, Moussa s'accrocha à la porte, déclarant qu'elle aimait mieux mourir que de quitter la vieille maison. « Laisse-la, » dis-je au Shikanu, qui n'était pas content. Moussa me jeta un regard mi-bourru, mi-reconnaissant. L'idée que je suis le maître finira sans doute par entrer un jour dans cette cervelle-là. En attendant, sa servante fait mon ménage, car vous comprenez bien que je n'ai pas amené de personnel avec moi. Moussa habite l'aile gauche, j'habite l'aile droite. Nous avons fini par manger ensemble grâce à la rhétorique de la servante, qui ne voulait pas faire de repas différents et qui a eu gain de cause. Et je me demande combien de temps cela va durer. Voilà, mes bons amis, où j'en suis pour le moment. Et je voudrais bien vous voir à ma place. Écrivez-moi ce que vous feriez si vous étiez en semblable embarras. Non que j'attende de vous le moindre secours. Votre expérience de la vie n'est pas supérieure à la mienne. Mais les bêtises que vous me direz feront peut-être jaillir dans mon esprit une source de lumière. Je vous serre les mains au hasard. Votre ami, André Ladoff. P.S. J'oubliais de vous dire que désormais, étant donné mes besoins, je suis riche comme Crésus. Si vous le pouvez, dans vos voyages, venez passer quelque temps chez moi. J'espère qu'alors, par quelque miracle de cette excellente providence, d'une façon ou d'une autre, je serai délivré de mon kobold aux pieds nus. La lecture de cette lettre fit pâmer Demian. L'idée de voir son ami André si positif, si sceptique et si philosophe, aux prises avec cette petite fille insaisissable comme un feu follet, lui paraissait d'un comique achevé. Victor, moins porté à la raillerie, trouvait Ladoff fort à plaindre. Madame Yanoff resta assez indifférente à cette histoire, qui ne la touchait pas directement. Cependant, elle fit plusieurs patiences dans le but de savoir si Ladoff se débarrasserait de son lutin domestique, et les cartes ayant répondu « non » autant de fois que « oui », elle cessa d'interroger le sort pour un objet si peu digne d'intérêt. La petite Hélène prit autrement la chose. « La pauvre enfant, » dit-elle, « je comprends qu'elle ait l'esprit bouleversé. Son père est bien coupable de ne pas lui avoir donné des notions plus justes sur l'avenir qui l'attendait. C'est que, voyez-vous, il ne pensait pas mourir subitement. » fit Victor avec une naïveté qui provoqua la gaieté de toute l'assistance. « Elle doit être horriblement malheureuse, » reprit Hélène, en croisant ses mains mignonnes sur la chaussette qu'elle raccommodait. « Elle a tout perdu à la fois, son père, sa propriété, puisqu'elle la croyait à elle, les idées de toute sa vie. C'est une destruction complète de tout autour d'elle. Il ne reste plus que des ruines. Je la plains beaucoup, beaucoup, » répéta-t-elle, en secouant la tête et en reprenant son ouvrage. « Vous raisonnez comme une petite femme, mademoiselle Hélène, » dit Victor. « Où avez-vous appris tout cela ?» Elle sourit et secoua la tête encore une fois. Depuis son départ de Yaroslav, elle avait l'air moins triste, mais peut-être encore plus grave. Une responsabilité nouvelle était entrée dans sa vie avec celle d'accompagner les concerts de Demian, et elle ne s'en faisait pas un jeu. La petite Hélène avait une de ces âmes pour lesquelles tout est sérieux et qui n'envisage aucun devoir sans une sorte de frayeur de ne pouvoir pas le remplir suffisamment. « C'est demain que nous partons, » dit-elle à Demian, qui regardait distraitement par la fenêtre. Victor réglait tous les détails de leur existence, mais c'est à Demian qu'elle s'adressait, sans s'en apercevoir. « Demain ? Oui. Décidément, venez-vous avec nous ?» Hélène regarda sa mère, puis la chaussette qu'elle raccommodait, puis Demian encore. « Si cela ne nous dérange pas, » dit-elle avec hésitation. « Jusqu'au Caucase ? « Faites-y bien attention, c'est pour la saison entière. »« Si cela ne vous dérange pas, » répéta-t-elle, d'un ton triste et soumis. « Me déranger ? Il ne peut être question de cela. Je vous ai dit et répété que je n'aurai jamais un accompagnateur comme vous. Cela dépend de vous seul. »« Allons-y, Hélène, » dit Madame Yanoff en battant ses cartes, qui ne voulait pas se mêler convenablement. Cette conversation avait lieu à Saratov, où nos amis avaient passé 8 jours dans une orgie musicale dont les amateurs du lieu ne se montraient pas encore fatigués. mais les artistes éprouvaient le besoin réel de se reposer après cet excès d'harmonie. C'était le lieu où il fallait se séparer, si l'on ne devait pas faire définitivement route ensemble pour le Caucase. « Comme vous voudrez, maman, » répondit la jeune fille, en s'appliquant à réparer un tout petit trou sous la semelle de la chaussette. « Alors, Victor, va retenir 4 places, » dit Demian, en se retournant vers son frère. « Le bateau part demain matin. » En route, les voyageurs pour le Caucase, cria Victor en agitant triomphalement son chapeau au-dessus de sa tête. Depuis que leur société s'était accrue de l'élément féminin, ils se sentaient extraordinairement joyeux. La petite Hélène lui rappelait Madame Moutine, disait-il à tout moment pour expliquer sa joie. À vrai dire, il n'existait pas la moindre ressemblance entre les deux femmes. Groucha était grande et imposante, Hélène petite et menue. Le visage de la première était rond, un peu plat, remarquable par une extrême blancheur. Celui de la seconde était allongé, d'une pâleur mate et dorée. Il en était de même pour le reste, et pourtant, Victor s'entêtait à proclamer la ressemblance. Il avait raison sur un seul point, et c'est ce que les autres ne pouvaient voir, la douceur clémente des yeux chez les deux femmes, la tendre compassion du regard, la bonté du sourire, un grand fond de patience et de résignation qui leur donnait à toutes deux une expression analogue. Ce n'était pas leur visage qui se ressemblait, c'était leurs âmes. Le soir venu, Demian alla faire un tour à l'assemblée de la noblesse où se donnait une soirée. Il voulait prendre congé en bloc de tous ceux qui lui avaient témoigné de la sympathie pendant son séjour à Saratov. Les dames et Victor restèrent au logis pour faire leurs préparatifs de voyage. Au moment où ce dernier allait fermer la malle qui contenait leurs effets, il vit entrer Hélène les bras chargés de linge. Elle avait l'air troublée, et sa voix était mal assurée. « Monsieur Victor, » dit-elle, « je voudrais vous demander quelque chose. À votre service, mademoiselle Hélène. Il faudra mettre ceci dans la malle de votre frère. »« Nous n'en avons qu'une, » répondit naïvement Victor. « Je voudrais qu'il se servît des chemises que voilà. » Mais il faudrait lui dire que c'est vous qui les lui avez fait faire. » Victor examinait le linge que la jeune fille avait posé sur la table auprès de la lumière. « Quelle toile magnifique » dit-il avec étonnement. « C'est aussi fin que de la batiste. Que veut dire tout ceci ?»« Voyez-vous, » dit-elle en surmontant son embarras, « c'est une dame de Nijni qui m'avait donné une pièce de toile pour me faire du linge. Mais moi, je n'en ai pas besoin, et puis c'est trop beau pour moi, tandis qu'un jeune homme, un artiste, n'est jamais assez bien mis. Alors j'ai fait faire les 12 chemises ici. On travaille très bien à Saratov. Je pense qu'elles lui iront bien. » Comment pouvez-vous le savoir? J'avais gardé un modèle en raccommodant le linge, balbutia Hélène, aussi honteuse que si elle eût été surprise en flagrant délit de vol. Et je suppose que celles-ci n'iront pas plus mal. Victor regardait la jeune fille qui évitait ses yeux. Soudain, il la prit par les épaules et l'embrassa résolument sur chaque joue sans qu'elle essayât de s'y refuser. « Oh, ma sœur Hélène, » dit-il d'une voix émue, « nous l'aimons bien, notre Demian, n'est-ce pas? Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour qu'il soit heureux. » Elle fit un signe de tête affirmatif, et de larmes brûlantes qu'elle ne pouvait plus retenir coulèrent sur ses mains que Victor avait prises. « Vous l'aimez autant que je l'aime, » continua le jeune homme, en cherchant avidement sur le visage de la jeune fille ce qu'elle s'efforçait en vain de cacher. « Et moi, je l'aime depuis le berceau. Vous jouez avec lui, pour lui, comme nul autre. Je vous ai entendu accompagner les amateurs. Ce n'est pas la même chose. Il est un dieu pour vous, n'est-ce pas, ma sœur Hélène? Vous voudriez arracher votre cœur de votre poitrine et le mettre sous ses pieds pour lui tenir chaud quand il ira dans la neige. Vous l'aimez à la fois comme votre enfant et comme votre maître. Assez pour lui pardonner de ne vous avoir jamais regardé, de ne pas savoir quand vous êtes là, de ne pas se douter que vous l'aimez. » Elle hocha énergiquement la tête et ses larmes tombèrent plus rapides et plus chaudes. « Je sais bien comment on aime, » reprit Victor, éclairé soudain sur ce qui se passait dans son âme par la douleur qu'il ressentait. « Mais je ne suis qu'un pauvre bossu et je n'ai pas le droit d'aimer. Nous l'aimerons à nous deux, n'est-ce pas, ma sœur Hélène? Et quand il sera malheureux, c'est nous qui le consolerons, qui le guérirons du mal que lui auront fait les autres. » « Oui, » dit Hélène à voix basse. Puis, se dégageant soudain, elle cacha sa tête sur l'épaule de Victor, qui caressa doucement ses cheveux rebelles. « C'est entendu, » dit-il. Quand, une seconde après, elle releva la tête et essuya ses yeux. « Je lui dirai que c'est moi qui ai fait faire les chemises. « Je vous en prie, » murmura-t-elle, avec l'expression la plus touchante. « Et il ne saura pas ce que vous avez fait pour lui. C'est juste, c'est ainsi qu'on aime. »